Thank you. Came out to soul. three, four. I see the one who knows the way. I see the one. sais pas, là j'ai des trucs de batterie, mais je sais pas comment ils font de mesure. Ouais, mais je sais pas, je cherche. C'est bon, solo 1. C'est Youtube qui chante les chants de Noël. Yeah. Attends, regarde. Bah écoute, ouais. Et c'est là. Batteur qui s'éclate sur les tomes. someone to say. One, two, three. And say the song I want, and over the silver and I'll Toi, tu j'ai changé, regarde. Par en mi. En mi. Fais ce que tu veux, essaye là-dessus. Non, je te suis. Ouais. Ok. Non, vas-y, fais ce que. Come on!